Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ça y est, nous sommes dans la dernière ligne droite de 2025 avant de passer à 2026. Et toute cette soirée et toute cette nuit, Fadjet vous a proposé un programme fantastique pour passer à 2026 tous ensemble. Je lance le bal avec fierté de cette soirée avec une spéciale musique live en vous proposant un best-of live de tous les plus grands concerts qui se sont déroulés en France en 2025. Et cette année, ça a été un grand millésime. En effet, les plus grands se sont produits en concert en France cette année. Bob Dylan, Eric Clapton, Neil Young, Billie Eilish, John Fogerty, Bruce Springsteen, Beyoncé, One Republic, Lenny Kravitz, Imagine Dragon, Iron Maiden, Ed Sheeran, Katy Perry, Usher, pour citer les internationaux, mais aussi tous vos artistes français préférés, les plus grands, les valeurs sûres, comme les nouveaux talents et les talents de demain. Mais je ne suis pas tout seul dans le studio. Baptiste va m'accompagner pendant toute cette heure. Salut Baptiste. Eh ben salut Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Ça va, en forme? Ouais, ça va, nickel. En maltraiter en général, on est toujours en forme. Eh ben oui. Qu'est-ce que tu vas faire de beau après l'émission? Eh bien, dès que l'émission est terminée, je remballe mes affaires et je cours rejoindre mes amis pour finir 2025 en beauté et attaquer 2026 sur les chapeaux de roue. Eh ben, je vais te dire, je vais faire pareil. Je pense qu'on n'est pas tous les deux tout seuls à faire la même chose. Pas. Alors ce soir pour ce réveillon, nous allons revivre durant cette première heure, non pas avec celles et ceux cités, mais avec le meilleur du meilleur des concerts de l'année en France. Si vous êtes déjà à table ou encore à l'apéro, et avant la crise de foie ou le mal de tête de demain, alors tout le monde debout, ce soir on pousse les tables, on se met en mode buffet et on danse, car vous allez pouvoir écouter et danser, chanter sur les meilleurs du meilleur. Est-ce que vous êtes là? Oh, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Oui. Oh, super. Allez, on démarre avec un premier titre qui date de sa venue à Paris en février. Et d'ailleurs, c'est malheureusement sa dernière tournée. Elle arrête sa carrière, du moins les tournées. C'est bien sûr Cyndi Lauper. Donc, oui, 71 ans, hein, ça devient dur. Hein. Avec un titre mythique, Girl Want Just Have Fun, c'est parti! You know that they want Et là, on va retrouver un grand de chez grand, puisqu'il s'agit de Lionel Richie en concert à Paris. C'est au mois de juin. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller le voir parce que j'étais le même soir sur un autre concert. Mais j'ai eu la chance de le croiser complètement par hasard sur la AA en allant à Lille. Lui, il allait trouver son hébergement sur Lille avant d'aller faire un nouveau concert 2 jours après je crois que c'est en Allemagne, je sais plus où, non, plus haut dans le nord. Voilà, donc je peux vous dire qu'il aime les chewing-gums, que c'est un mec super sympa, vachement simple. Je l'ai connu parce qu'il y avait quatre gardes du corps autour. voilà, je me suis dit, ça doit être quelqu'un de connu. Et puis il s'est retourné et je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Et comment s'appellent tous les deux Lionel? Eh ben, on a trouvé le lien tout de suite pour communiquer ensemble et c'était génial. Allez, là on le retrouve ce beau soir de juin. Ben, c'était à Bercy, hein, et il a interprété Dancing in the Ceiling. Came out the neighborhood. Quel plaisir! Et celle qui arrive, c'est encore mieux, puisqu'il s'agit de la reine Diana Ross, qui était quelques jours après Lionel Richie en juin, aussi à Bercy, évidemment, comme tout le monde. Et j'ai pas pu la rencontrer malheureusement, mais je suis allé au concert et c'était divin, c'était divin. On espère qu'elle reviendra encore une fois, c'est pas sûr, parce que là, je commence à devenir sérieux chez elle. Elle a 81 ans. Mais elle a un banc des danseuses, elle est habillée mieux que Josephine Baker. C'est la star absolue, la reine, et c'était la meilleure amie de Michael Jackson. Allez, on l'écoute maintenant avec deux compiles. I'm coming out, a chain reaction. Celle-ci, Chain Reaction. You took the mystery and made me want it. You got a pedestal and put me on it. You made me love you out of me. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Bon, bah alors on continue. Et on met cette fois-ci Christopher Cross qui est passé en février à Paris, mais aussi à Lille et à Lyon. Et moi, je suis allé le voir. C'était au Rocal à Luxembourg, enfin à H.O.L.Z. Exactement. Et c'était vraiment d'enfer. Allez, go. One Light to Win, son plus grand succès. 81. Et voilà, Christopher Cross. Et maintenant, alors là, ça a été les rois cette année, ils sont promenés partout. En début d'année, c'était en février, ils sont passés à Lille, à Paris, à Lyon. Et aussi au Rocal à Luxembourg, c'est une soirée fantastique. C'est bien sûr Toto avec Africa. Ceux qui ne savent pas, Joe, le chanteur, c'est le fils de William, celui qui a fait toutes les musiques pour Spielberg. I hear the drums echo in tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Moonlit greens reflect the stars that guide toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Woo! toujours trop faible. Mais si vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. Ok, vous l'aurez voulu. Alors on passe à maintenant aussi un très grand agitateur héros, comme on dit. C'est évidemment Carlos Santana qui est venu, lui, en France, en juin, comme beaucoup d'Américains et autres, parce qu'il fait à peu près beau à cette période-là à Paris, ils préfèrent venir là qu'au mois de décembre. Donc voilà, ça leur fait en plus un peu de vacances, c'est sympa. Allez, Santana tout de suite. From the midday sun, well, I hear you whispering the words, melt everyone, but you stay so cool. My Mona Lisa, my Spanish Harlem Mona Lisa, you're my reason for reason, the step in my groove. Yeah, yeah, this is this life. Change my life to better. c'était Carlos Santana. Voilà, c'est du lourd. Hein. Et ceux qui viennent sont encore plus lourds, puisque c'était le grand événement de l'année, toujours à Paris, au Stade de France. Cette fois-ci, rien n'est trop grand pour eux. C'est bien sûr AC/DC, qui était donc à Paris au mois de juin. On va les retrouver dans Highway to Hell. Non, je n'y suis pas allé, parce que pour moi, AC/DC, c'est 93, au Zénith, à Nancy. Et c'était le plus grand concert, puisqu'il est enregistré sur disque et qu'il est connu dans le monde entier. Allez, c'est parti, AC/DC. Pas, mais si ça le fait. Bon, on continue, ça va, personne ne rampe par terre, vous êtes bien accroché à la table, vous êtes prêts encore à avoir la basket dansante. Alors là, on va retrouver aussi une grande vedette, hein. C'est tout simplement Gaga. Ah, on dit plus Lady Gaga, non, ça c'est quand elle était jeune fille. Elle est plus jeune fille, donc on l'appelle maintenant Gaga. Elle est venue en novembre, donc il n'y a pas longtemps, hein, à Paris. Et là, nous interprète le titre Killa. Go! Standing on the corner, smoking that grass. girls and the boys all pass me by. Talking to me, put your hand on my ass. I'm a murderer in disguise. Yeah, you wanna be cool, but you're making me mad. But my lip, it starts to bleed. Yeah, it tastes so good, but it gotta be bad. If I'm gonna get you home, gonna make the curtains green. Believe it, gonna make the ceiling shake for me. I'm a full-time bedroom demon. I'm gonna make you scream. That's a matter of fact, I'll be a fantasy. Lighting up a final cigarette, I'll burn a hole right through your eyes. Looking at you like a zombie killer, hungry for a homicide. If I get you alone under your skin and bone, I'ma try you off the thighs. About to wear you out like my favorite suit, nose paralyzed. On passe maintenant à Kylie Minogue. Elle est venue, que je dise pas de bêtises, c'était en juin aussi, avec un titre qui s'appelle Tension. Tension, I don't know. We'll be right back. Kalimurg. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Ah, c'est mieux comme ça. Je veux dire aussi, moi, il y a quelque chose. Bon, c'est pas bien grave. Bon, vous avez passé un bon début de réveillon. Vous avez dansé. Personne aux urgences. Bon, ça va. Tout va bien. Vous allez pouvoir faire encore plus fort avec qui vous attend et que Fadjet vous a proposé, va vous proposer tout au long de la soirée. Donc notre émission spéciale se termine. Le compte à rebours commence déjà à se lancer. J'en profite avec un peu d'avance pour remercier Fadjet de sa confiance et souhaiter une bonne année d'abord à vous tous qui soutenez et écoutez votre radio locale préférée, mais aussi à toute l'équipe de Fadjet. Je pense à Béranger, Fabien, Aurélie, Yves et Jean-Luc. François, Valentin, qui sont les piliers de Fadjet, à tous les stagiaires qui sont venus à la radio en 2025 et qui viendront en 2026. Eh ben, merci Baptiste, en tout cas, tu as assuré un maximum au niveau de la technique comme au niveau du son. Ah oui, si je te mets pas le micro, tu pourrais rien faire. Ah, je l'enlève, tiens. Et ben merci à toi, Lionel. Bon, souhaite une bonne année. Ouais, à tout le monde. Bon, ça y est, la valise est prête, bon. Un petit peu. Ouais, tout est prêt, c'est bon, je ferai pas cher. Là, bon, il fera pas les deux dernières minutes, tant pis. On le laisse partir, il y a urgence. Bon, sinon, ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite le meilleur des réveillons et surtout une belle et bonne année 2026 avec tous mes sincères voeux de santé, de bonheur, parce qu'on n'a rien encore inventer de mieux. On se retrouvera en janvier, pas pour une émission par mois, mais deux émissions par mois, les deuxième et quatrième mercredi de chaque mois à 20h, avec plein de musique en live et avec déjà plein de nouvelles idées. Voilà, alors n'oubliez pas la musique qui est vivante, alors allez l'écouter partout, que ce soit en bas dans la rue, chez vous, au petit bistrot du coin, que ce soit dans les concerts, petits et grands, dans les festivals. Bon, voilà, je vous souhaite encore une bonne soirée de Noël. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Lui, il est branché. Allez, bonne année. Bon, il est encore lié, là, je crois que... Mais bon, on en fait... Allez, à bientôt. Bonne soirée. Ciao.